Voilà, on est de retour, enfin on est toujours à l'antenne de Radio Pel. On a passé les 2 heures d'antenne ensemble. Maintenant, je suis pour un petit moment tout seul. Jeanne est partie à son concert à Vevey et Emma est toujours occupée à l'atelier de fabrication d'instruments qui se trouve à l'entrée du bâtiment dans la salle de jeu. Si vous voulez passer et y jeter un œil ou une oreille, je pense que c'est tout à fait libre à vous de le faire. Il y aura une restitution normalement sous forme de déambulation tout à l'heure à 18h. Dans la maison communale, quelque part, ou peut-être à l'extérieur, sur la place. Ce que je vous propose maintenant, pour poursuivre un petit peu la diffusion, c'est d'écouter une interview que nous avons faite de Mazen Kerbaj il y a quelques jours de cela. Et voilà, je passe l'antenne à Mazen, à qui nous avons poser quelques questions sur sa présence au festival et les performances et l'exposition qu'il a proposée. Moi, j'ai beaucoup aimé, moi j'ai vu deux de tes performances là que j'ai beaucoup aimé et j'aimerais un peu que tu nous parles de comment, en fait c'était très différent les deux, l'une c'était plutôt une installation et l'autre plutôt, je suis trop fatiguée, je suis désolée. non mais je fonce, j'y vais, c'est juste que j'ai l'impression que en fait, t'as utilisé la trompette, enfin j'avais jamais vu quelqu'un utiliser la trompette comme ça en tout cas, est-ce que tu peux parler un peu du dispositif que t'as utilisé, du coup pas sur forcément la performance d'installation d'aujourd'hui, mais c'est il y a quelques jours. Écoute, mais tout se rejoint de toute manière. Oui, c'est ça. Et au final, d'aujourd'hui, c'est quoi ta pratique musicale? Écoute, c'est très simple. J'ai jamais eu un instrument de musique dans les mains jusqu'à mes 18 ans. À 18 ans, un ami m'a dit, j'ai une trompette, tu la veux? Je lui ai dit oui. Et puis ça a commencé vraiment presque comme un gag. On écoutait beaucoup de free jazz, on fumait beaucoup de drogue à l'époque. En fait, je continue à écouter beaucoup de jazz et à fumer beaucoup de drogue, donc oui, bon, on avait commencé déjà à l'époque. Et puis ça a commencé, genre on veut jouer très fort et tout, et puis on était une bande de 10, 15 copains à Beyrouth, on faisait tout ça, et puis on jouait surtout juste pour faire du bruit, et puis petit à petit, trois de nous, par sélection naturelle presque, je dirais, ont commencé à se dégager du groupe, à vraiment prendre ça beaucoup plus au sérieux, et commencé à développer deux de ces trois. Donc moi, je vivais à Beyrouth, les deux autres vivaient à Paris, et puis ils venaient, c'est un couple, c'est Sharif Sahnaoui, donc magnifique guitariste et plus vieux collaborateur. C'est lui le responsable d'ailleurs qui m'a donné la trompette. Et sa compagne d'alors, Christine Abdennour, qui est, ils sont séparés depuis, mais qui est une magnifique saxophoniste aussi. Donc chacun a vraiment développé un langage très particulier pour son instrument. Et le quatrième larron libanais, Raed Yassine, qui est contrebassiste aussi. Quoi. On a vraiment... je pense qu'on était dans une sorte de position bizarre à Beyrouth. Personne n'avait jamais joué ce genre de musique là-bas. Donc bien sûr, la plupart des gens disaient « This is shit, you shouldn't play this », etc. C'est de la merde. Mais on a fait le premier festival, on pensait que jamais quelqu'un allait... On n'allait jamais pouvoir faire un autre. Et puis là, on est à la 26e édition, quoi. Donc ça a vraiment... On n'aurait jamais parié un copec que ça va prendre. Mais à l'époque, on avait un but double, donc d'introduire cette musique au Liban. Mais on était tous, tous les trois, très neutres. Et on adore cette musique et on venait à des festivals. Moi, je venais les voir à Paris. Et au lieu de voir Paris, on allait au festival de Mulhouse quoi, en août. Déjà, je venais à Paris en août, personne ne vient. Je venais du Liban juste pour aller voir le festival de Mulhouse et voir ce genre de trucs. Donc on était très, c'est un peu si tu veux comme la nouvelle vague, c'était la première vraie vague de réalisateurs qui étaient eux-mêmes cinéphiles quoi. Donc nous on est arrivé vraiment dans un terrain vierge, on amène cette musique de dehors quelque part, on a notre sensibilité libanaise etc. et notre background, pas musical mais sonore mettons, et Et on était vraiment très férus, on était très pointus, très nerds, on connaissait tout. Donc pour nous, c'était très très important de ramener ce truc au Liban, mais aussi d'être au niveau de ce qu'on est en train d'écouter. C'est-à-dire on était vraiment très très... pas compétitif, le contraire plutôt, une émulation quoi, entre les quatre. Et aussi un esprit critique, genre jusqu'à aujourd'hui, des amis qui tournent avec nous, qui ne sont pas libanais, ils disent « Vous êtes incroyable, vous sortez d'un disque et l'un dit à l'autre « Tu as joué comme une merde aujourd'hui. » On est vraiment à un autre niveau de dialogue et on est très sévère avec nous-mêmes. Et ça a donné vraiment cette première vague. Donc bon, c'est un peu bizarre de parler de moi-même comme ça, mais je veux dire que tous les quatre, on a vraiment développé des langages très très particuliers pour nos instruments. Et donc moi, c'est la trompette. Je suis le seul des quatre qui n'a pas eu de formation académique avant. Et au début, bon, pendant 2 ans, je faisais juste de jouer très fort. Puis le breakthrough, si je peux dire, c'est quand ma femme était enceinte. Et j'avais un travail dans une boîte de pub jusqu'à 5h de l'après-midi. Et je retournais, puis on restait ensemble, puis elle dormait tôt. Et puis je m'entraînais à la trompette de 9h du soir jusqu'à minuit, quoi, 2, 3, 4 heures chaque soir, avec une femme enceinte qui dort à côté de moi. Donc je jouais à des niveaux inaudibles, en fait. Je faisais juste... J'entraînais les muscles et la respiration circulaire, etc. Et puis un an après, quand j'ai recommencé à jouer fort, tout avait changé. J'avais une compréhension très différente de l'instrument. Entre-temps, j'avais découvert des musiques électroniques, des trucs. Donc tout a commencé vraiment dans une sorte d'expérimentation en dehors de ce que la trompette fait. Tout ça pour dire ce que je fais. Les gens me disent « c'est incroyable, j'ai jamais vu quelqu'un faire ça ». Je dis « oui, mais en même temps, je ne sais pas faire ce que tout le monde devrait pouvoir faire avec les trompettes ». C'est-à-dire que je connais aucune note. Quoi. Enfin, je les connais. Je peux les produire par l'oreille. Dire, mais pour moi, c'est vraiment très autodidacte. Et avec le dessin, donc le dessin était venu avant, je suis aussi autodidacte, mais je me suis toujours... je me suis renseigné moi-même, c'est les règles de la perspective, les ombres, les lumières, tout ça. Donc maintenant, même quand je déconne avec le dessin, ou je fais des trucs bizarres, ou je fais un type avec 3 yeux, même en faisant ça, il y a toujours « oui, mets l'œil un peu ici, c'est plus équilibré ». Il y a des trucs que j'arrive pas à désapprendre, si tu veux. Avec la musique, j'ai jamais eu ça. Pendant des années, je ne prenais pas... Je commençais déjà à tourner un peu en Europe et tout, mais je continuais à ne même pas oser dire je suis musicien, tu sais. Et en même temps, ça m'a pris longtemps pour découvrir que c'est le sérieux que je mets dans parce que de nouveau, on est très sévère avec nous-mêmes, c'est-à-dire la manière de contrôler si tu veux, ces inventions est au même niveau que chercher qui ont pris des années à développer, c'est pour pouvoir contrôler. Improvisation. Totalement, je suis quasiment. C'est très nouveau que je compose en fait. Okay. La pièce d'aujourd'hui est composée. Je sais où ça va aller. C'est-à-dire, c'est pas composé à la note près, mais je sais comment ça va aller et puis je sais comment ça va finir. Et comment, par exemple, tu as composé cette pièce qui a l'air quand même d'être une installation assez complexe. Le son était incroyable. Effectivement, moi, en fait, en bougeant même la tête, j'avais des petites allus sonores, quoi. Et ça, c'était ouf. J'adore ça. J'ai un peu joué ça avec le zoom, on verra si ça marche. Je sais pas si on entend un peu ces variations-là. Mais du coup, est-ce que tu peux nous parler un peu de cette pièce, de comment tu l'as fabriquée, d'où t'es venue cette idée Et tu vois, moi, j'aurais jamais pensé que ça ferait ouais, cet écho dans la salle et que ça créerait tous ces... Parfois, j'ai l'impression que le son venait derrière moi, tu ouais, vois. Ouais, ouais, ouais, ouais. Peut-être que tu peux décrire un peu l'image de cette pièce, comme ça, on peut la voir aussi à... Je vais décrire déjà assez sommairement, mais vite, à l'auditeur, donc qui ne voit pas l'instrument. Donc, l'instrument qui s'appelle les orgues de Poutine, c'est en fait 7 trompettes mises vers le haut, donc positionnées vers le haut, qui sont actionnées par de l'air envoyé par un compresseur à air. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle lungless, donc sans poumon. Et lungless, en anglais, ça veut dire aussi sans voix, donc c'est la portée politique du truc. Mais donc techniquement, c'est 7 trompettes. Il y en a 4 qui jouent une note et 3 autres qui jouent une autre note. En fait, le plus hallucinant, c'est que je ne joue que 2 notes dans tout ce truc. Donc c'est ça le plus intéressant dans 3 notes, parce qu'à un moment, je monte, parce qu'elles sont elles ont des slides. Ouais, à un moment, je monte ce truc au milieu pour casser ce truc de drone. Wow. Mais c'est le fait qu'elles soient plusieurs qui créent cet effet. C'est le fait qu'elles soient pas seulement plusieurs, mais alors là, je vais t'expliquer un truc. Je suis sûr que des gens qui connaissent la musique ont des mots très savants pour tout ça. Moi, pour moi, c'est juste, tu sais, ces deux trucs qui font la même note, mais qui sont pas comment in tune, comme on dit, qui sont pas accordés. Sont pas accordés. Et donc, elles sont un peu à un écart. Et puis, il y a une histoire de volume, de combien je les mets. Puis, il y a un moment où ces deux fréquences rentrent en collusion et font ces donc ça a des battements. Ou ça a un mot scientifique. Moi, j'appelle ça des wou-wou-wou-wou-wou. C'est le son que ça fait, quoi. Ça s'appelle des battements. Et c'est comme ça, ouais. C'est comme ça que j'ai composé cette pièce. C'est-à-dire, j'ai ces deux sons. Et dans chaque, il faut, tu sais, un long. Vous avez dû éprouver le soundcheck, parce que le soundcheck c'est affreux. Je mets tout à fond, il commence à marcher pour voir comment ça sonne. On est en train de se faire mettre des strass à ce moment-là, ouais, c'est assez drôle. Ouais, ouais. Et le soundcheck c'est pas du tout la pièce. Tu sais, quand tu écoutes la pièce, parce que là je joue vraiment sur ces battements, mais le soundcheck c'est vraiment essayer comment ça marche. Je les mets et puis je vais loin et puis j'essaie d'écouter. Ah, mais c'est hyper intéressant comment... ouais, c'est-à-dire tu essaies de percevoir quoi au soundcheck. Ouais, c'est de comprendre comment cet espace spécifique réagit avec ces battements. Okay. Parce que c'est pas seulement les battements, tu sais, dans ma chambre ça sonne très différemment. Oui, et c'est, pour moi ça sonne très différemment quand je suis dans l'instrument. Et quand je marche un peu loin, c'est pour ça que je travaille toujours donc avec Racha, qui m'envoie le son. Et je dois lui dire, j'enroste le 4 un peu et je vais un peu partout pour savoir vraiment. Parce que c'est vraiment très dur de comprendre ce que toi tu écoutes, ce que chacun écoute. Ouais. En temps réel, ouais. Ouais, parce que j'avais demandé comment tu règles du coup ton instrument avec les soundchecks, juste que je comprenne mieux quand tu te balades et tout. Qu'est-ce que tu cherches? Tu cherches à capter? Je cherche à capter combien je peux marcher, et puis ce battement est encore audible. Et puis j'arrive à un moment, je l'entends plus, puis je tourne la tête, puis tiens, il est de nouveau audible. Ouais. Ou alors je continue, j'en entends un autre. Et tu vois, moi j'aurais adoré que le concert il soit debout, que les gens ils marchent. Oui, mais le seul problème avec ça, c'est bien, mais le seul problème c'est que souvent quand tu dis ça, en fait moi ça m'emmènerait pas, mais si je le dis au début. Beaucoup de gens se sentent obligés de marcher parce qu'ils sentent que si tu restes au même endroit, mais en fait l'expérience est la même. Si tu marches, tu es en train de rater ce qui va se passer ici à un moment. Ah, okay. Et ils commencent à faire beaucoup de bruit. C'est spécialement dans un lieu comme ça, donc ça commence à. Tu commences à entendre les pas. Voilà, les bruits de pas, et puis tu loses un peu, tu perds un peu le focus sur ce son ou sur ce truc physique. Ce que j'adore avec, c'est que ça sonne complètement comme des électroniques, en fait, mais c'est complètement acoustique. Ouais. Ça vaut pour mon solo de trompette aussi, quoi. C'est l'idée de jouer des sons quasiment granuleux, tu sais, plutôt des textures que des sons. Et à peine amplifié, en plus. Dans mon solo, très peu amplifié. Juste quand j'étais sur le... Ce que j'aime, c'est à la fin, tu sais, quand je joue ces sons très très bas, mais vraiment, je vais les jouer partout dans la salle, parce que... Ouais. Dès que tu enlèves l'amplification, ça... l'idée de jouer des sons électroniques acoustiquement est un truc qui me fascine, quoi. C'est vraiment à la base de tous les sons que je recherche, presque. Trop beau. Et puis quand tu parlais de l'anglais et puis de la dimension politique, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus, en fait, aussi, non seulement par rapport au contexte de création de la pièce, la manière dont tu l'as présentée, mais aussi peut-être... et peut-être que je me trompe, peut-être dans le choix des sons, et puis justement aussi le travail sur ces battements, tout d'un coup moi j'avais l'impression aussi d'entendre des sirènes, l'introduction, la présentation, elle avait aussi quelque chose qui aussi orientait d'une certaine manière l'écoute. Totalement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu ? D'habitude, je suis très, comme je l'ai dit d'ailleurs au début, j'aime pas du tout parler de la musique et spécialement pas avant le concert. Quoi. C'est genre dire aux gens ce qu'ils vont écouter ou ce que je fais. Pour moi, c'est un no-go total. Quoi. Même après, quoi, d'habitude, je suis très... ils font pousser quoi, à parler et j'aime pas... Avec mon dessin, c'est plus facile, mais avec la musique, pour moi, c'est le truc le plus abstrait au monde. Dès que tu parles, tu es déjà en train de détruire tout ça. Mais là, donc, du coup, et j'ai souvent pensé, genre, merde, est-ce que tu veux... Peut-être qu'il faut parler après, peut-être qu'il faut pas mettre les gens dans cet esprit, tu sais. Et aussi, ça vient du fait que souvent, moi déjà, quand je joue de la musique, j'ai souvent entendu genre, des gens venir après un concert me dire « Ouais, j'ai entendu la guerre, j'ai entendu des bombes, j'ai entendu des... » Je dis « Ouais, mais Axel Dörner, il joue les mêmes sons, tu entends un dentiste, tu vois. » C'est donc déjà, je viens... déjà, il y a un truc, c'est un Libanais qui a vécu la guerre, ce qui est vrai, par ailleurs, mais il y a déjà une sorte de truc qui te pousse à exoticiser. Exoticiser. Oui. Pardon. Tout ça. Donc bon, déjà ça existe et je déteste ça en général. Mais là, je sais pas, c'est pour moi, c'est important. C'est comme cette pièce que j'avais sortie en 2006. Infamous, infâme, Starry Night, je ne sais pas si vous connaissez. Starry Night, c'est une pièce que j'ai sortie en 2006, donc pendant la guerre avec Israël, où je m'étais enregistré en train de jouer de la trompette au balcon pendant qu'ils bombardaient Beyrouth. Donc il y a des bombes qui tombent pendant le truc. Et j'avais appelé ça Minimalistic Duo for Trumpet, Mazen Kerbaj Trumpet, The Israeli Air Force Bombs. Alors pour moi, ça. C'était important que tu comprennes ce que tu es en train d'écouter, quoi. Après, et c'est ça le plus dur, bon, je dis pas que je réussis, mais après, quand tu dis des trucs tellement énormes, il faut que la musique suive, c'est-à-dire il faut que la musique, je le disais avant, j'ai un ami curator qui est venu voir la première de Longless à Merz Music l'année dernière, et après la pièce, il m'a dit, c'était génial, j'ai adoré. Il m'a dit, tu sais, je te dis, parce qu'on est amis, j'étais vraiment très sceptique. Je lui dis, ah bon? Il m'a dit, oui. Quand j'ai lu la présentation, je lui dis, merde, il va nous faire un truc de pathos ou un truc. Où... Il m'a dit, la pièce musicale est magnifique. Je lui dis, oui, tu me connais, merde, quoi. J'ai beau mettre des trucs, mais le plus important pour moi, c'est la musique. À la fin, il faut que ce soit une putain de bonne pièce, tu sais. Et je suis toujours très critique de mon travail ou du travail de n'importe qui. Quand tu parles de la guerre, quand tu parles de la famine, quand tu parles de la. Prendre ce genre de sujet, quand tu parles de la Shoah, quand tu parles de ce truc. Prendre ce sujet, c'est des sujets casse-gueule, où c'est très facile de sombrer dans le... C'est-à-dire, tu es en train de parler d'un sujet où tu as déjà la sympathie du public. Et c'est très dangereux dans la... de commencer où tu as déjà la sympathie, gens vont être empathiques et tout. Oui, donc, puis il y a le risque aussi d'une esthétisation. Totalement. Donc je suis conscient de tout ça, mais j'ai quand même confiance dans cette pièce. Et pour moi, comme je l'ai dit, c'est très difficile de réagir par la musique, parce que c'est abstrait. Donc en 2006, j'avais aussi fait des dessins sur la guerre. Mais après, j'ai réussi à faire cette réponse, en improvisant avec les bombes, en fait. Et là, ça m'a pris 2 ans pour pouvoir répondre à cette guerre-là, avec ce cri, ou ces sirènes, ou ces... Ce qui est hallucinant, c'est notre festival Ertijal qui se passe à Beyrouth, donc je disais la 26e année, il se passait, je devais venir à Archipel de Beyrouth, il finissait le 16, et je devais arriver le 17 ici, et bon, j'ai pas été, on l'a reporté, on va essayer de le faire en octobre, et le dessin, parce que c'est moi qui fais... Ertijal, ça veut dire Ertijal. Improvisation en arabe, ça fait 26 ans qu'on le fait. Et donc c'est moi qui fais tous les designs depuis toujours. Je dis je suis le meilleur parce que je suis gratuit, donc ils me prennent tout le temps. donc j'avais fait la 26e affiche, c'est 4 sirènes rouges et on n'a pas fait ce festival. Quoi. Donc déjà je sonnais la sirène avant et puis ce truc vient très clairement... de la sirène, mais aussi du cri et du son et du souffle, tu sais, qu'on coupe. Tu sais, à la fin, je suis aussi très peu, comment dire, en général, je suis très pragmatique, très... on parlait des émotions dans la musique, j'ai oublié de répondre à ça. Je suis en général, je dis, c'est de la musique, j'arrive pas à expliquer, c'est même pas de l'émotion, c'est même pas... ça me dit rien, c'est juste de la musique, je sais pas comment expliquer ma relation à la musique. Mais dans ce genre de truc, je sais pas, c'était comme un cri, et c'est un des trucs où je, pendant que je suis en train de jouer, à la fin, quand je, parce qu'à la fin, ce que je fais, c'est tout est on et tout est full on, et puis je commence à fermer petit à petit la valve qui donne l'air à tout ça, quoi. Et donc petit à petit, tu descends plus bas, et puis ils se coupent l'un après l'autre jusqu'au dernier. Et je ne peux pas, à chaque fois, j'ai presque les larmes aux yeux, je sens quasiment que je suis en train de couper l'air de Gaza ou de couper les vivres, quoi. Et je me dis, mais arrête tes conneries, quoi, c'est ta pièce, tu la connais. Mais à chaque fois, il y a ce truc, quoi, c'est vraiment poignant, même pour moi, quand je le fais, en me disant, je suis en train de finir la pièce et je suis en train de couper le son, et c'est dur, quoi. Et en même temps, je suis content, c'est un mauvais mot, mais pour moi, j'ai toujours réagi à tout, quoi, les mauvais trucs dans ma vie, comme les bons d'ailleurs, en les sortant sur papier ou par dessin. C'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je survis, c'est comme ça que je donne un sens à la vie depuis toujours. Pas pour communiquer avec les gens, pour communiquer bien sûr, je suis très heureux que des gens apprécient, que des gens les voient, et plus il y a de gens, plus je suis content, mais à la base, je l'ai fait pour moi, c'est quasiment du survival mode, quoi. Ce genre, et quand ça atteint ce genre de truc, je dis aussi toujours, on me connaît toujours comme auteur de guerre et tout, mais j'ai toujours détesté parler de la guerre, toujours pour cette idée de l'exoticisme. Et donc, je suis libanais, je parle de la guerre. Mais la guerre continue de s'inviter dans mon travail, une France. Tu sais, tu peux pas être en train de parler des coquelicots là pendant ce qui se passe. Ouais, c'est dans ta vie, quoi. Ouais. Mais après, pour moi, il y a une. Enfin, je sais pas. Enfin, je peux pas m'avancer là-dessus, enfin, je sais pas comment dire, mais... Vas-y, jette-toi à l'eau, on voit ce qui se passe. Non, mais dans le sens où, tu vois, moi, j'ai pas vécu ça, en fait, donc je peux pas me mettre à la place de qui que ce soit ou parler à la place de qui que ce soit d'autre, mais pour moi, quand tu rends hommage, en fait, à des gens, quand tu as vécu ça et tout, enfin, pour moi, l'esthétisation, elle pourrait vraiment, oui, avoir lieu. En fait, je pense que je pourrais surtout critiquer la musique ou être là, bah, en fait, ce son me parle pas et j'aime pas la musique. Ouais. Tu vois, mais genre, pour moi, si c'est, enfin, avec autant de sincérité, genre, juste avec... Enfin, c'est important, en fait, de parler de ça, quoi. C'est très important. Et peu importe qu'on en parle, tu vois, dans les journaux, qu'on en parle entre nous, qu'on en parle à travers la musique, toute forme d'art, en fait, enfin, j'ai envie de dire, on s'en fout si ça esthétise ou pas, quoi que ce soit, en fait, tant qu'on en parle, tu vois. Voilà. Non, après, non, c'est on sûr, peut... c'est sûr. Mais comme je te dis, je suis un type, on m'a souvent accusé, les gens très proches de moi, genre, mes enfants, de très bons amis, me disent, tu crois dans l'art comme on croyait en Dieu, tu es un fou sérieux. Oui, mais moi aussi, il faut tu es obnubilé. Donc oui, je suis d'accord avec toi, il faut en parler, bien sûr, mais il faut toujours, pour moi, c'est l'œuvre forte qui pèse. J'adore, je suis très bon public, hein, je vois un film de Hollywood, je pleure quand il faut pleurer, je rigole, plutôt, mais je préfère voir Bergman toujours pour deux heures, tu sais, il faut toujours que le truc me tabasse, je dis toujours, ça m'a foutu une baffe, tu sais, ce truc. Et j'aime essayer de faire modestement la même chose avec mon travail, c'est-à-dire vraiment m'investir totalement, demander du public un effort monstre pour me rejoindre quelque part. Je n'aime pas quand c'est facile en tant qu'auditeur, j'aime pas les gens qui m'apprennent. Enfin, je les aime, je suis très bon, mais j'aime les œuvres qui, je ne vais pas dire tout. Réfléchir, je sais, je saute comme pas, mais les œuvres d'art, tu t'engages à quelque chose, tu ressors, mettons, inspiré. Thank you. parle justement de, un peu des débuts dont tu parlais, de cette dimension improvisée que vous avez développée entre vous à ouais. Paris et puis que vous avez ensuite rapporté à Beyrouth. Enfin, l'effet, ça a été quoi? Enfin, en dehors d'avoir un peu un succès avec un festival et vous faites la 26e édition, mais est-ce que ça a généré une scène ou est-ce que ça a généré des échanges? Oui. Et puis aussi, peut-être derrière, enfin, en dehors du fait d'appartenir à cette ville, est-ce qu'il y avait aussi un peu, je sais pas, une dimension politique, une envie d'apporter cette musique aussi pour autre chose que pour ses propriétés esthétiques plaisantes. Écoute, pour nous, c'était la génération... Nous, on est la génération de la guerre civile, qui a grandi dans la guerre civile, qui a... Bonne nuit, Sixto. C'est Sixto de la cave 12, ma parole. Ah, ma gueule. Ah, ouais. Ah, à boire. À bientôt, Mazen. Bravo. Ciao, Sixto. Excellent concert de Mazen Carbage, les deux. Prochainement à la cave 12, mon prochain concert à la cave 12, bientôt. Exactement. Ciao. Voilà. Bonne soirée. Ciao. Ouais. Et donc quand on a commencé à faire, c'est je sais pas comment dire, j'ai commencé à comprendre ça quand vraiment 15 ans après, c'est-à-dire même quand je faisais des bandes dessinées et que je les publiais moi-même et que je les vendais à des amis, il y a des gens qui me disent aujourd'hui: moi, j'aurais pas commencé à faire de la bande dessinée si j'avais pas lu ton journal 99. Je lui dis, mais où tu lâches? J'en ai vendu, je me rappelle, pendant 5 ans, 56 exemplaires que j'ai vendus à 56 amis. D'où tu l'as trouvé? Ouais, chez un ami. Et donc, c'est quand tu réalises que quand tu vis dans un endroit comme Beyrouth, que ce que tu fais, c'est vraiment au-delà de ce que tu fais seulement, quoi. Tu es vraiment en train de le faire pour une scène, quoi. Tu le fais pas exprès, mais petit à petit, tu réalises que ton travail est important au-delà de ton travail d'artiste toi-même. Bon, c'est, bien sûr, c'est partout pareil. Tu as des collectifs, tu as des trucs, ça crée des connexions. Mais au Liban, c'est vraiment ramené, c'est vraiment... Tu as quasiment une sorte de mission... Tu es comme un missionnaire, voilà. J'allais dire un prophète, mais pas du tout, parce qu'on n'est pas du tout comme ça. On n'est pas du tout ni gourou ni prophète, mais plutôt missionnaire. C'est-à-dire, c'est comme si tu as... C'est ton truc d'amener ça. Et en même temps, on avait beaucoup d'agressivité contre ce qu'on faisait. La scène de jazz devenait folle. Genre, ils ne servent pas à utiliser leurs instruments, c'est de la merde. Et donc, on devait en même temps se battre et être très, quasiment agressif dans notre manière de présenter le truc. Et en même temps, dire voilà. Et quand on disait voilà, tu as inventé une nouvelle musique, tu dois calmer tout le monde. Non, tu sais, ça existe. Et c'est pour ça que c'était important de ramener des musiciens de dehors pour montrer qu'il y a des gens de 70 ballets qui jouent cette musique, quoi. Et de créer dès le début aussi, c'était très important de faire des workshops. Le festival avait trois buts dès le début. D'une part, nous donner une plateforme pour jouer cette musique, parce que personne ne voulait nous faire jouer. D'autre part, pour ramener des gens et introduire ces gens au public libanais. Et la troisième chose, c'est de faire interagir ces musiciens avec les musiciens libanais et de faire des workshops et à créer vraiment des trucs. Du coup, est-ce qu'il y avait beaucoup de musiciens libanaises? Du tout, au début, non. Et est-ce qu'il y avait un public, surtout, parce que souvent, ça n'a pas de... Ça a grandi petit à petit chaque année. Okay, donc ouais. La première année, 25 personnes, la deuxième année... Et c'était juste en quelle année, du coup? Bah, en 2001. 2000. En fait ouais. Chaque année, on est très heureux de ne jamais rater une année, parce que maintenant, en 2026, c'est la 26e édition. Ouais. Bah, on a réussi notre coup, on a commencé en 2001, donc voilà. Quoi. Ah, non. On est au 26 cette année. Et le public a vraiment grandi, ça a pris du temps. Et puis au bout de 10 ans, on avait un public qui nous demandait pourquoi vous ramenez pas Evan Parker et tout. Donc ça, à un moment, les gens nous ont devancé dans ce truc. Mais au début, on n'aurait vraiment pas parié un copec. Et c'était vraiment... Même sur la scène libanaise, qui aurait pas... Maintenant, il y a des gens qui me disent, ouais, moi, à 16 ans, j'ai été à Tijal. Je dis, putain, je refais le truc. Je dis, t'étais même pas né quand on l'a fait. C'était hier, quoi, merde. On est des grands-pères. En fait, moi, je suis le grand-père de la scène parce que les deux autres amis dont je parle ont un an de moins que moi. Donc, moi, je suis le vieux de la vieille de la scène. C'est vrai qu'un an, c'est une différence. Et donc, on sortait tous de la guerre civile et on était cette génération, que ce soit dans l'art, dans la peinture, dans la poésie, dans le théâtre, dans la musique. On était cette génération qui a grandi dans la guerre civile et qui voulait autre chose que... que nos parents, un peu si tu veux, comme les générations d'après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale en Europe, quoi. Ouais. Les générations de la Nouvelle Vague, plus tard les Allemands. Donc, c'est genre, tu te dis, bon, basta, on va faire de plus gros. Et là, il se passe, c'est affreux à dire, mais il se passe un truc du genre à Beyrouth de nouveau, quoi. Après la crise économique et l'explosion du port, tous ceux qui pouvaient partir sont partis. Et il y a de nouveau une sorte de scène et d'un vivier de DIY à Beyrouth. Là, quand je vais, je suis fasciné des gamins et des gamines. Des gamins et des gamines de 16 ans, ouais. Qui font du punk rock noise, des concerts, c'est des trucs qu'on aurait rêvé, quoi, à l'époque. Et tu peux vraiment dire un peu plus par rapport à la manière dont ça s'organise? Écoute, ça s'organise comme partout ailleurs, mais bon, c'était pas le cas avant au Liban, donc par petites bandes et par petites affinités. Le bon truc avec Ertijal, c'est qu'on l'avait appelé Ertijal au début parce que ça veut dire improvisation et parce qu'on aime cette idée d'improvisation et de danger, de mal fini et tout. Mais par la suite, c'est devenu un festival ouvert, que ce soit le classique contemporain, que ce soit le rock déglingué, tout ce qui est improbable et tout ce qui n'a pas de scène. Tu sais, au Liban, quand on était gamin, on disait oui, c'est de la musique alternative ou c'est de la musique alternative. Quand on disait alternative, c'est en fait de la pop un peu plus bizarre que la pop, quoi. C'était ça. Et donc, nous, on a vraiment voulu un truc radical et de programmer des choses qui ne seraient pas programmées autre part. C'était aussi un des buts non avoués du festival, c'est-à-dire si on veut voir des bonnes choses au Liban, il faut que nous, on les ramène, personne ne va les ramener, quoi. Et on n'a jamais reçu aucune thune jusqu'en 2015, peut-être. On a fait 15 versions avec notre propre... On perdait de l'argent dessus. On a invité des copains petit à petit, en voyageant beaucoup, on avait plein de musiciens. Je me rappelle Franz Hautzinger, la première fois qu'on l'a amené en 2003. Je me rappelle le jour où j'ai dû aller lui dire, il avait passé 5 jours, je jouais 3 concerts. Je devais lui dire que le cachet, c'est 50 euros, quoi. Je lui dis, écoute Franz, j'aurais préféré te dire, on n'a pas d'argent, mais on n'a que 50 euros. Il avait payé son billet, le gars. Bon, là-bas, c'est l'hospitalité libanaise, c'est magnifique et tout. Et puis, il m'a dit cette réponse magnifique de Franz. Il m'a dit, Mazen, je ne pensais pas devenir riche en jouant ici, donc c'est bon, quoi, il n'y a pas de problème. Puis, petit à petit, plus tard, bon, on a eu le Goethe Institute, puis on a eu parfois, on a pro-élevé ça. On a fait en 2016, je pense, une année spéciale impro suisse. Parce qu'il y a un magnifique musicien suisse de Berne, Paed Konka, qui était à la Reitschule pendant très longtemps, qui nous avait ramené à la Reitschule, qui était venu 2 fois au Liban, puis il a bougé au Liban. Le type, il est plus libanais que moi aujourd'hui. Il vit à Beyrouth depuis déjà 10-15 ans, il parle arabe. Et donc il y a eu beaucoup de trucs suisses qui sont passés, donc avec Pro Helvetia. Mais par contre, là, dernièrement, depuis 3 ans, on a décidé de arrêter de prendre de l'argent du Goethe Institut. Parce qu'on n'a pas envie d'avoir de l'argent allemand chez nous, là, depuis ce qui se passe à Gaza. Et de la manière dont les Allemands ont... Il y a eu une anecdote assez drôle avec la directrice du Goethe Institut qui a demandé à un des directeurs de festival, bon, c'était pas le nôtre, mais un autre, c'est un ami aussi. Mais c'est quoi le problème? On est en train de... Tout le temps, vous demandez de l'argent, vous le ramenez les Allemands. On est en train de vous dire, on va vous donner de l'argent, personne ne veut prendre notre argent. Il a dit, ouais, c'est... Le vent a tourné. Personne n'a envie de mettre le logo du Goethe Institut sur son... Il y a même un festival qui a mis... parce que tu sais, quand tu supportes le BDS, tu ne peux pas tourner en Allemagne, tu peux ou très peu. Ouais. Et Sharif, donc mon compagnon, il a mis sur le site de Stijal, la première année, en 2023, il a dit, pour tous les musiciens allemands, si vous voulez jouer dans notre festival, il faut dire que vous supportez le BDS. Il a fait vraiment le truc contraire. Genre voilà, si tu es allemand et tu veux jouer chez nous, ou bien tu dis tu supportes le BDS, ou bien tu joues pas. Bon, c'est pas qu'il y en avait des tonnes qui voulaient jouer, mais c'est juste le geste qui compte, quoi. Et ouais, voilà. Et là, on est de nouveau... Bon... Parler musique quand tout le monde est en train de sous les décombres, c'est presque c'est affreux, mais on veut le faire se passer. C'est-à-dire chaque année, on a réussi chaque année à le faire, le festival. Pendant la guerre de 2006, on l'a fait. Les assassinats de 2005, on l'a fait. Les assassinats de 2007, la guerre de 2008. tous ces trucs. Et chaque année, on se dit, si on ne le fait pas, tu sais, on vit à Beyrouth. Si on ne le fait pas, l'année prochaine, il y aura toujours une bonne excuse pour ne pas le faire. Parce qu'à Beyrouth, chaque année, il y a une bonne excuse. Et pour nous, c'est une sorte de question de survie. Il faut qu'on fasse, on l'a fait pendant la Covid, on l'a fait tout le temps. Donc là, on l'a reporté, mais on compte le faire à un moment ou à un autre. Au pire, je n'irai pas, ils le feraient sans moi, mais ils le feront au moins un jour pour dire on a fait le festival. Cette interview et de cette présence sur nos ondes, du partage de toutes ces idées et finalement aussi voilà, de cette discussion autour de l'idée de la résistance, l'activisme sonore d'une certaine manière, enfin, qui consiste peut-être déjà simplement à rester présent, à faire et à proposer des choses dans un monde qui n'est pas forcément toujours très très simple.